Chapitre 13e, la commotion. Une voiture traversait bruyamment les rues habituellement si tranquilles de Helstonleigh. Il était 2 heures du matin. Cette voiture ramenait M. Dare, sa femme et sa fille. Ils étaient allés, si nous nous en souvenons, à un dîner de campagne. Le repas fut suivi d'une soirée. Il était presque 1 heure lorsqu'ils se remirent en route. Il était 2h05 quand l'équipage s'arrêta chez eux. Joseph vint à moitié endormi ouvrir la porte. « Tout le monde est-il couché ?» demanda M. Dare en entrant dans le vestibule. « Je crois que oui, monsieur, » répondit Joseph aussi indifféremment qu'il le put. M. Dare faisait allusion à ses fils, et Joseph, n'étant pas assuré de ce qu'il disait, tenait à éviter d'autres questions. Deux des servantes s'avancèrent. La femme de chambre de Mme Dare et Betsy Cartier, notre ancienne connaissance, la petite domestique de Mme Halliburton, devenue la femme de chambre de Mlle Adélaïde. M. Dare avait depuis longtemps l'habitude de fumer une pipe avant d'aller se coucher. Il aurait pu s'en passer, disait-il. « Comme il fait chaud, » s'écria-t-il en ôtant son pardessus. « Laissez la porte ouverte, Joseph. Je vais prendre l'air. Allez me chercher ma pipe. » Joseph alla chercher la pipe à sa place habituelle. Il ne la trouva pas. C'était une jolie petite pipe à bout d'ambre, montée en argent. La boîte à tabac était bien là, mais Joseph ne pouvait découvrir la pipe. « Ah, je me rappelle !» s'écria Betsy. « Monsieur l'a laissée hier soir dans la salle à manger, et je l'ai mise dans l'armoire pendant que je balayais ce matin. Je vais la prendre. » Prenant la lumière des mains de Joseph, elle courut à la salle à manger. Elle n'y entra cependant pas aussi précipitamment qu'elle en sortit. Elle s'élança dehors en poussant des cris perçants et s'attacha à Joseph. Monsieur Dare rentra. « Qu'avez-vous donc ? » lui cria-t-il. « Avez-vous vu un spectre ?»« Oh, monsieur ! Oh, Joseph ! Ne me lâchez pas ! Monsieur Anthony qui est tendu là, mort !»« Quel imbécile !» dit Monsieur Dare en la regardant. Joseph secoua brusquement la servante en lui adressant une phrase encore moins flatteuse. Mais un instant passa devant lui le souvenir de la querelle du dîner, des menaces, de la lutte de Herbert et d'Anthony. « Restez tranquille, sotte que vous êtes !» dit-il tout bas à Betsy avec un calme qui dénotait sa crainte. Prenant un flambeau, il entra dans la salle à manger. Monsieur Dare le suivit. Il avait simplement pensé qu'Anthony avait pris un peu plus de vin qu'il lui en fallait et qu'il était sans doute tombé sans force dans la salle à manger. Malheureusement, la chose était déjà arrivée une semaine ou deux auparavant. Mais hélas, le cas n'était pas le même. À l'extrémité de la chambre, près de la fenêtre, entre le bout de la table et le coin formé par les deux angles de la pièce, quelqu'un était étendu. C'était bien Anthony. Il était couché de côté, la tête renversée, la figure découverte. Cette figure, dont l'aspect fit bondir le pauvre Joseph, la même qui avait épouvanté Betsy. « Il est mort !» dit tout bas Joseph en frissonnant. M. Dare, glacé de terreur, se pencha sur son fils. Anthony paraissait non seulement mort, mais froid. Dans son agitation, son épouvante, M. Dare se rappela qu'il devait, si possible, épargner ce spectacle à sa femme et à sa fille. Mme Dare et Adélaïde, alarmées par les cris de Betsy, redescendaient. « Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! » cria M. Dare en les repoussant. « Adélaïde, je te défends d'entrer. Julia, remontez, je vous en prie, et emmenez Adélaïde. » Il les poussa dans le corridor. Mme Dare n'avait de sa vie vu une figure aussi épouvantée que celle de son mari. Elle eut peur sans trop savoir pourquoi, car elle n'avait pas encore entendu le nom d'Anthony. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-elle en se tenant à la balustrade. « Qu'est-ce qu'il y a dans la salle à manger ?»« Je ne sais pas, » répondit M. Dare les lèvres tremblantes. « Montez, Adélaïde, monte avec ta mère !» M. Dare fut arrêté par des cris. Pendant qu'il renvoyait sa femme et sa fille, la femme de chambre s'était glissée dans la salle à manger et avait regardé par-dessus l'épaule de Joseph. À cette vue, qui dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer, elle se mit à pousser des cris effrayants. Une scène de confusion terrible suivit. Mme Dare essaya d'entrer de force, Adélaïde cria sans savoir pourquoi, Betsy se mit à pleurer en appelant M. Anthony, et les dormeurs sortirent de leur chambre, tout tremblants, la figure pâle, à peine vêtus. M. Dare se mit en travers de la porte. « Enfant, allez-vous-en. Julia, battant pour l'amour du ciel. Mademoiselle, est-ce vous? Soyez assez bonne pour rester où vous êtes et gardez Rosa et Mina avec vous. »« Mais qu'est-ce qu'il y a donc ?» exclama mademoiselle en français sans faire attention à l'injonction de M. Dare. « Est-il arrivé quelque malheur ?» Betsy reconnaissant en elle une personne qui n'était pas de la famille et à qui elle pouvait raconter ce qu'elle avait sur le cœur, vint lui exprimer tout bas la même pensée qu'avait eu Joseph. Ce pauvre monsieur Anthony qui est couché là, mort, mademoiselle. Monsieur Robert l'a tué. » Mademoiselle, à cette nouvelle, se mit à crier. Sans écouter monsieur Dare, sans s'inquiéter de son costume de nuit, et profitant d'un instant où la porte était libre, se glissa dans la salle à manger. Les autres la suivirent, monsieur Dare ne pouvait retenir personne. Mademoiselle alla droit au corps, le regarda et s'appuya en chancelant contre la paroi. « C'est vrai, » murmura-t-elle, « c'est monsieur Anthony. »« Oui, c'est Anthony, » frissonna monsieur Dare. « Je crains. » Monsieur Dare n'eut pas la force d'achever. L'institutrice haletait, elle était aussi pâle qu'Anthony. « Mais pourquoi donc ? Qu'est-ce qu'il a fait ? » balbutia-t-elle. « Oui, qu'il a fait. » La figure de Joseph semblait indiquer qu'il aurait pu le dire s'il l'avait voulu. Cyril souleva un des bras d'Anthony, mais il le laissa aussitôt retomber. « Il est déjà raide. Est-il mort ? Oh père, il ne peut pas être mort !» Monsieur Dare entraîna Joseph hors de sa chambre. Il savait à peine ce qu'il faisait. « Dépêchez-vous d'aller chercher un chirurgien, » dit-il. « Monsieur, » dit tout bas Joseph, qui paraissait aussi agité que son maître. « Je crains que ce ne soit M. Herbert qui l'ait fait. Pourquoi ?» demanda sèchement M. Dare. « Ils ont eu une affreuse querelle ce soir, monsieur, après votre départ. M. Herbert a levé un couteau contre son frère. Je suis arrivé juste à temps pour empêcher l'effusion du sang. » M. Dare réprima un gémissement. « Allez vite chercher un médecin, Joseph. Il peut ne pas être encore mort. M. Milbank est le plus rapproché. S'il est chez lui, amenez-le. Sinon, allez en chercher un autre. » Joseph partit sans chapeau et arriva au portail à l'instant où un cabriolet passait. À la lueur du gaz, il reconnut M. Glenn, le chirurgien, qui revenait d'une visite à la campagne. Joseph l'appela, courut devant le cheval. Le cocher s'arrêta. « Qu'est-ce qu'il y a, Joseph ? » demanda M. Glenn. « Quelqu'un de malade chez vous ?» Joseph expliqua de son mieux que l'on avait trouvé M. Anthony étendu sur le tapis de la salle à manger, mort selon toute apparence. M. Glenn descendit. « Qu'y a-t-il donc dans votre maison ?» demanda un gendarme qui faisait sa ronde. « On vient de trouver un de ces messieurs morts, » répondit Joseph. « Mort ?» répéta le gendarme. « Lequel ?» M. Anthony. « Comment ? Mais je l'ai vu rentrer à 11h30. Il n'est qu'évanoui, peut-être. « Pourquoi dites-vous cela ?» demanda Joseph. « Parce qu'il avait pris un verre de trop. Il pouvait à peine marcher. Quelqu'un l'a accompagné jusqu'au portail. » M. Glenn se hâta d'aller à la maison. Le gendarme le suivit avec Joseph, soit pour satisfaire sa curiosité, soit parce qu'il supposait qu'on aurait besoin de ses services. Quand ils entrèrent dans la salle à manger, M. Glenn était agenouillé près d'Anthony et des cris de détresse arrivaient jusqu'à leurs oreilles. C'était Mme Blair en proie à une attaque de nerfs. « Est-il mort, monsieur ?» demanda le gendarme à voix basse. « Il est mort depuis 2 ou 3 heures. » M. Glenn découvrit une blessure dans le côté. La mort devait avoir été instantanée et l'hémorragie intérieure. Quelques gouttes de sang tachaient seules les habits. « Qu'est-ce que cela ?» s'écria M. Glenn. Il attirait à lui une espèce de couverture sur laquelle Anthony était tombé. C'était un manteau. Cyril et d'autres reconnurent celui de Herbert. Où était donc Herbert ? Couché ? Comment pouvait-il dormir au milieu du bruit qui remplissait la maison ? « Ne peut-on rien faire ?» demanda M. Dare au chirurgien. M. Glenn secoua la tête. « Il est mort, monsieur. Il est presque raide. Voilà plus de 2 heures. Presque 3 même. »« Presque 3 heures ?» Cela faisait remonter le moment de sa mort à l'heure où le gendarme l'avait vu rentrer. Quelqu'un se tourna pour lui faire une question, mais il avait disparu. M. Glenn alla voir ce qu'il pouvait faire pour Mme Dare, dont les cris faisaient mal à entendre, et M. Dare attira Joseph à part. Il n'osait le questionner en présence de témoins, de peur que quelque fait accusateur ne dénonçât son second fils. En dépit de la vue du cadavre d'Anthony, en dépit de ce qu'il savait de la querelle, il ne pouvait se résoudre à croire Herbert coupable. « À quelle heure lui avez-vous ouvert ?» demanda M. Dare en montrant son malheureux fils. Joseph répondit évasivement. « Le gendarme m'a dit vers 11h30, monsieur. » « Et à quelle heure M. Herbert est-il rentré ?» S'il n'avait pas vu le manteau, Joseph n'aurait pas su si M. Herbert était ou non à la maison. Il comprit qu'il n'avait rien de mieux à faire qu'à dire la simple vérité, c'est-à-dire que ces messieurs avaient l'habitude de rentrer à l'heure qu'il leur plaisait en passant par la fenêtre de la salle à manger que Joseph laissait ouverte à dessein. M. Dare se fâcha. « Je le faisais par leur ordre, monsieur, » expliqua le domestique. « Si vous trouvez que ce soit mal, vous mettrez les choses sur un autre pied. Mais attendre toute la nuit jusqu'à ce qu'il soit l'heure de se lever, c'est ce que ni moi ni personne ne pourront faire. » Mais vous n'attendiez pas si longtemps que cela, s'écria M. Dare. Pardon, monsieur. Quand l'un de ces messieurs n'était pas absent, l'autre l'était. Il aurait fallu que je restasse debout jusqu'au matin pour aller ensuite faire mon ouvrage, comme si de rien n'était. Aussi, ils avaient pris l'habitude de passer par la fenêtre, et je pouvais aller me coucher à une heure raisonnable. M. Cyril et M. George usent du même moyen. Mais la maison aura pu être dévalisée par les voleurs. C'est ce que je leur disais, monsieur, mais ils se moquaient de moi en me demandant qui aurait l'idée de passer par là. En tout cas, monsieur, ajouta Joseph comme pour s'excuser, il me l'ordonnait. C'est pour cela, monsieur, que je ne sais pas à quelle heure ces messieurs sont rentrés. M. Dare ne répliqua rien. L'éducation qu'il avait donnée à ses fils portait ses fruits. Il monta à la chambre de Herbert. Assis en haut de l'escalier, se dandinant dans son peignoir d'indienne aux mille couleurs, la gouvernante attendait. Elle leva sa pâle figure à l'approche de M. Dare. Est-il mort ? M. Dare secoua la tête. Le chirurgien dit qu'il est mort au commencement de la soirée. Et M. Herbert, est-il mort ? Lui, mort ? Répéta M. Dare avec alarme. Pourquoi serait-il mort, mademoiselle ? Pourquoi me faites-vous cette question ? Est-ce que je sais, moi ? J'en suis toute bouleversée. Pourquoi ne serait-il pas mort, lui, et pas l'autre ? Pourquoi est-il mort, monsieur Anthony ? M. Dare vit qu'elle était effectivement bouleversée. Elle avait la figure enveloppée d'un foulard blanc et essuie sa figure humide et pâle. « Avez-vous été témoin de leur querelle ? » demanda-t-il. « Est-ce que je le sais ? » répondit-elle moins clairement que de coutume. « Si Joseph dit que M. Herbert a levé un couteau contre son frère, je ne peux pas le répéter. Est-ce que c'est à moi de l'accuser ? Qui l'a fait ? Qui l'a tué ? » continua-t-elle rapidement. « Ce n'est pas M. Herbert, non. Je dirai toujours que ce n'est pas M. Herbert. Je ne le crois pas non plus, » dit vivement M. Dare. « Non, non, non !» répéta mademoiselle avec emphase. « Il n'a pas tué son frère, il n'est pas assez méchant pour cela. »« Peut-être n'est-il pas rentré ?» dit M. Dare, saisissant cette pensée avec empressement. Betsy entendit. « Il doit être rentré, monsieur, » dit-elle. « Autrement, comment est-ce que ce manteau serait dans la salle à manger ?»« On a dit que c'est le manteau de M. Herbert qui est sous M. Anthony. »« Quel rapport le manteau de M. Herbert a-t-il avec sa rentrée ?» demanda sèchement M. Dare. « Il ne porterait pas de manteau par ces chaleurs. » « Pardon, monsieur, » répliqua Betsy, « il est sorti avec son manteau ce soir. »« L'avez-vous vu ?» demanda sévèrement M. Dare. « Si je ne l'avais pas vu, je ne l'affirmerais pas, » répondit Betsy, qui aimait fort, comme sa mère, à soutenir son opinion. « Je regardais par la fenêtre de la chambre de mademoiselle Adélaïde quand j'ai vu M. Herbert sortir par la fenêtre de la salle à manger et aller au portail. »« Avec son manteau ?»« Avec son manteau, » affirma Betsy. « Je pensais qu'il devait avoir joliment chaud. » Cette réponse apportait une terrible conviction à la crainte de M. Dare. Il alla questionner Joseph. « Oui, certainement, » répondit le domestique. « M. Herbert, en descendant l'escalier, s'est arrêté pour me parler, monsieur, et il a agrafé son manteau en même temps. » Mina accourut et s'attacha à son père. « Papa, papa, est-ce vrai ? » sanglota-t-elle. « Quoi donc, enfant ? Que c'est Herbert qui... » « Chut !» frissonna M. Dare, et prenant un flambeau, il alla à la chambre de Herbert. Il était réellement extraordinaire que Herbert pût dormir au milieu d'un pareil tumulte. Sa chambre, il est vrai, était la plus éloignée, mais cependant le bruit avait dû arriver jusqu'à lui. Quand M. Dare rentra, il était assis sur son lit, se réveillant ou paraissant se réveiller, sa fenêtre était toute ouverte. « Herbert, peux-tu dormir ?» s'écria M. Dare. Herbert ouvrit de grands yeux, se frotta, regarda encore, comme dans un rêve. « Est-ce vous, mon père ?» « Qu'y a-t-il donc ?»« Herbert, » dit son père d'une voix basse et tremblante, « qu'as-tu fait de ton frère ?» Herbert, comme s'il ne comprenait pas, ouvrit de plus en plus les yeux. « Je ne lui ai rien fait, » dit-il. « Est-ce d'Anthony que vous parlez ?» Anthony est étendu dans la salle à manger, tué, assassiné. « Herbert, qui l'a fait ?» Herbert, épouvanté, ne bougea pas. Il était évident qu'il ne comprenait pas ou feignait de ne pas comprendre. « Anthony est... Qu'avez-vous dit, mon père ? Il est mort, il est assassiné !» répéta M. Dare. « Oh, mon fils, dis que ce n'est pas toi qui l'as tué, dis que ce n'est pas toi !» Et le malheureux père, brisé par la douleur, se jeta sur le lit en sanglotant.